إن الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans الحديث العاشر qui est le dixième hadith. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو كريب محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة حدثنا فديل بن مرزوق حدثني فدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحة إني بما تعملون عليم فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أعبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملباسه حرام غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Donc le hadith, dans le sens dit, selon Abu Huraira, que le prophète, sallallahu alayhi wa ala ahli wa sallam, a dit, ô vous les gens, certes Allah est bon et n'aime que les bonnes choses, que ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est saint. Et certes Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Il dit dans le sens, ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et œuvrez dans le bien, car je suis certes savant de ce que vous faites, ou parfaitement savant de ce que vous faites. Et il dit dans le sens, ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous vous avons octroyées. Hein, mangez des bonnes choses dont nous vous avons octroyées. Ensuite, il cita l'exemple d'un homme entreprenant un long voyage, aux cheveux empoussiérés et ébouriffés, levant ses mains au ciel en disant « ô Seigneur, et son alimentation est illicite, sa boisson est illicite, et son vêtement est illicite, il n'est nourri que d'illicite, alors comment lui serait-il exaucé ?» Donc ce hadith est là pour démontrer que si l'homme, l'individu, bâtit sa consommation, tout ce qui touche à l'alimentation, à l'abreuvage, à l'accoutrement, ainsi de suite, tout cela est bâti sur de l'illicite, que cela est une cause, hein, que ces invocations ne sont pas acceptées. Et bien d'autres choses encore. Donc là, le shir dit, Habizallahu ta'ala, ma'na al-hadith, anna Allah subhanah, nazzaha nafsahu, an anaqa'is. والرسول يقول إن الله طيب لا يقبل للطيبة هذا اسم وصف الله سبحانه وتعالى. لا ندرك أن يمكن الحظ يمكن أن يمكن الحظ. فلا يقبل الله من العبد إلا ما كان طيبا وابتغي به وجه الله من الأعمال. Donc il dit, le sens de ce hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié de toute carence ou défaillance ou manque ou réduction dans sa perfection, subhana. Et que le messager, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dit, certes Allah est bon, et n'accepte que ce qui est bon, ce qui est saint, ce qui est pur. Donc là, at-tayyib, hein, at-tayyib, c'est parmi les noms d'Allah. On peut en déduire que at-tayyib, comme dans le hadith, inna Allah at-tayyibun, tayyib, ismun asma illa, c'est un nom parmi les noms d'Allah, parmi les plus beaux noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aussi un de ses attributs, comme le prouve ce hadith. Et une règle ici qu'on ajoute, qu'il faut savoir que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à la créature autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ces noms englobent, sont un nom propre, hein, sont un nom propre, des noms propres, et également des qualificatifs. Hein, c'est-à-dire que ce nom s'attribue parfaitement à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se nomme avec et qu'il se qualifie des attributs qui en découlent. Contrairement à la créature, par exemple, un homme en dehors du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, le prophète, également, ses noms, hein, car il a des noms qui sont venus dans la sunna, ses noms sont des noms propres et également des attributs, des qualificatifs, authentiques qui lui reviennent, de plein droit. Alors que, autre que lui, par exemple, un homme demain s'appelle Salih. Hein, son prénom c'est Salih. Lui, cela sera défini comme étant un nom propre. Hein, son prénom c'est Salih. Mais est-ce que cela inclut que cette personne est Salih et vertueuse ou pieuse? Non. Il se peut que ce soit un fasiq, un pervers. Et son prénom est Salih. Mais en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, lui, ses prénoms, ses plus beaux prénoms, sont des noms propres, comme nous l'avons dit, et également, il se qualifie des attributs qui en découlent. C'est-à-dire, cela lui convient. Hein? Cela lui convient parfaitement, et il n'a pas lieu d'interpréter ou de chercher le comment. Non. Donc ça, c'est une règle, Inch'Allah, si jamais l'occasion se donne, qui sera plus développée dans le livre Al-Qawa'id al-Muthla de Cheikh Al-Faymin, rahimahullah ta'ala. Non. Là, c'était juste une parenthèse. Donc Allah At-Tayyib, c'est parmi ses prénoms, ses beaux prénoms. Donc il dit, et Allah n'accepte du serviteur que ce qui est bon, et que par lequel est recherché son visage, subhana, dans ses œuvres. Hein? C'est-à-dire, Allah n'accepte que les bonnes œuvres par lesquelles le serviteur recherche le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَكُنُ الْعَمَلُ طَيِّبًا وَيَسْعُدُ إِلَى اللَّهِ عَزَ وَجَلْ إِلَّا إِذَا خَلُصَ وَكَانَ مُتَابِعًا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَالَى إِلَيْهِ يَسْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Donc Allah dit dans le sens, vers lui remonte la bonne parole, hein, et l'œuvre pieuse, il l'élève très haut. Dans sa parole, إِلَيْهِ يَسْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Non. Que l'œuvre, hein, l'œuvre qui remonte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle-ci ne peut être acceptée que si elle est pure, hein, sincère et conforme au suivi prophétique. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens relatif et rapproché. Donc Allah dans le sens dit, il est yas'adu al-kalimu al-tayyibu wal-amalu al-salihu yarfa'u. Que c'est vers lui que remonte la bonne parole, hein, et que l'œuvre pieuse, il élève très haut. فَلَا يَكْبَلُ اللَّهُ عَزَ وَجَلْ مَكَانَ مَخْلُوطًا بِرِيَا قَالَ تَعَالَى كَمَا فِي حَدِيثِ الْقُدْسِي عَنْدَ مُسْلِمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ عَمَلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعَي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. Donc Allah n'accepte aucune œuvre qui soit mélangée, hein, dans laquelle se serait infiltré quelque chose d'autre que la sincérité. Comme par exemple l'ostentation. Hein, ria, l'ostentation. Et Allah, comme il dit dans le hadith Qudsi, apporté par Muslim, selon Abu Huraira, où il dit, celui qui œuvre, hein, qui fait un acte dans lequel il m'associe à autre, alors je délaisserai lui, hein, et son association. Lui, ainsi que son association. وَلَا يَكْبَلُ اللَّهُ عَزَ وَجَلْ مَكَنَا مُخَالَفًا بِالْاتِّبَاعِ اتِّبَاعِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لحديثي مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَلِسَ مِنْهُ فَوَرَدْ. Donc également, Allah n'accepte pas une œuvre, hein, qui contredit le suivi prophétique. Pour preuve du hadith que nous avions déjà pris précédemment, qui était le hadith Al-Thalith de Aïcha, où il dit, celui qui innove dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie, alors cela est rejeté. وَلَا يَكُنُ الْعَمَلُ الْمُتَعَبَّدُ بِهِ لِلَّهِ طَيِّبًا إِلَّا إِذَا تُجُرِّيَهُ وَتُحَرِّيَهُ فِي ذَلِكَ لِخَلَاصُ وَالْمُتَابَعَ. Donc l'œuvre par laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être bonne, hein, que si on y recherche par cela la sincérité ainsi que le suivi. Tout cela est une forme de récapitulatif de Khulasa du hadith al-Thalith. وَمَعَادَ ذَلِكَ مَا وَطَيِّبُ. Tout ce qui est en dehors de cela n'est pas bon. Hein, n'est pas sain, n'est pas pur. Voilà où maqbul, et ni cela n'est accepté. Wa kadha aidan ahalla Allahu al-ibadi al-tayyibat wa harrama 'alimul khaba'ith wa qala 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuharrimu 'alimul khaba'ith ويدعو عنهم إثرهم والأعلال التي كانت عليهم. Donc il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite les bonnes choses pour ses serviteurs. Hein, il a rendu licite les bonnes choses pour ses serviteurs et leur a interdit les mauvaises, hein, les choses mauvaises. Et il a dit à propos de son messager dans le sens, hein, il vous rend, ou il leur rend licite les bonnes, ou plutôt il leur interdit les mauvaises choses et il leur ôte leur fardeau et le joug qui était sur eux. Hein, dans le verset, يُحَرِّمُوا عَلِمُوا الْخَبَائِثِ وَيَدَوْ عَنْهُمْ إِسَرَهُمْ وَالْأَعْلَى الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَأَمَرَ بِأَكْلِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَالْبُعْدَ عَنِ الْخَبَائِثِ وَهَذَا لَفْظُ عَامٌ. فالمثل الفواكه وبهيمة الأنعام بشروطها إذا ذكيت إلى آخره عَذِيهِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَمِنَ اللِّبَاسِ أَيْضًا ما كان على منوال لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه. Donc il dit, il a ordonné de manger les bonnes choses et de s'éloigner des mauvaises. Et là, les bonnes choses, c'est un mot qui est général. Là, quand il dit « al-toyyibat », c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Par exemple, les fruits ou la viande animalière avec ses conditions. C'est-à-dire l'animal qui aurait été égorgé selon le rite islamique authentique. Et ainsi de suite, parmi les bonnes choses. وَمِنَ الْلِبَاسِ أَيْضًا مَكَانَ عَلَى مِنْوَالِ لِبَاسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ سَوَاءٌ كَانَ إِزَارًا أَوْ قَمِيصًا أَوْ عِمَامًا وَمَنْ بَطَّالٌ فَلَيْسَ مِنْ لِبَاسِ الطَّيِّبِ وَكَذَلِكَ الْكَرَافَةُ تِلْكَ الَّتِي مِثْلَ ذَيْلِ الْحِمَارِ لَيْسَتْ مِنَ اللِّبَاسِ الطَّيِّبِ هَذَا بل البنطلات من لباس الخبيث وكذلك طيب وصلت لا. Donc il dit également parmi les bonnes choses il y a ce qu'a revêtu le prophète صلى الله عليه وسلم comme vêtement, hein, comme vêtement, ainsi que ses compagnons, comme par exemple le izar, ce qu'on appelle le pagne, hein, le izar, ainsi que le kamis, l'imama, hein, le shimar comme on dit, c'est-à-dire le grand foulard que l'on met sur la tête. Mais quand on pantalon, hein, le pantalon, cela n'est pas un bon vêtement. Également la cravate, celle-ci qui ressemble à une queue d'âne. Comme le dit le Shir, la cravate ressemble à une queue d'âne. Hein, cela ne fait pas partie des bons vêtements. Nous disons plutôt même que les pantalons sont parmi les mauvais vêtements. Telles sont les paroles du Shir. Et pourquoi dit cela? Car le pantalon n'est pas un vêtement qui est venu, car ceux-là sont partis, hein, des accoutrements des koufars, des mécréants. Ce qu'on appelle le pantalon tel qu'on le voit aujourd'hui n'était pas un vêtement porté par les musulmans à l'époque. Ce n'était un vêtement qui n'était pas porté à l'époque, qui est venu que par la suite. Donc de là, le musulman, lui, il a une apparence, une chose qui lui est propre. Et de là, hein, les savants ont émis le fait que le pantalon n'est pas un vêtement islamique. Certains même, comme Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, voient que la salat accomplie dans un pantalon, hein, est nulle, est invalide. Pourquoi? Car le pantalon est un vêtement qui sert les membres de la personne qui le porte et n'amène pas à dissimuler les parties intimes qui, elles, sont une condition de l'acceptation de la salat. Donc cette parole-là, yani, se voit réelle d'un côté et rejetée d'un autre. Je parle de la parole de Cheikh Albani. Celle-ci sera réelle si jamais le pantalon est vraiment serré et moule le corps. Non, en effet, à ce moment-là, la salat ne sera pas valide. Mais s'il s'agit d'un pantalon large, hein, qui ne laisse pas apparaître les parties intimes ou quoi, la salat sera, inshallah, valide. Cependant, celui qui aura porté le pantalon aura commis un péché. Hein, du fait qu'il aura remis, il sera revêtu d'un vêtement qui n'est pas conforme à l'islam. C'est tel est l'avis de notre shir également. Il voit que si le pantalon est trop serré, cela, oui, en effet, annule la salat. Mais s'il est large, mais à partir du moment où il reste un pantalon, il reste toujours interdit à être porté. Donc le musulman, il fait attention à ce qu'il fait. Il a une identité, une personnalité, hein, et qui est influencée elle-même par les faits et gestes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui ne portait pas ce genre de vêtements. Et même si quelqu'un dit le pantalon à l'époque n'existait pas, nous dirons il n'existait pas, mais le sarawil, hein, les sarawil, eux ils existaient. C'est les pantalons larges, amples, que l'on voit qui sont portés par les gens de l'islam. Et bien celui-là, aujourd'hui on le met. Comme le kamis, également. Naam. Ensuite il dit. Ça a été où? وكذلك في المعتقد ما وافق الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فهو معتقد طيب، وما خالف هذا المعتقد فهو معتقد خبيث بطال. وهكذا ترى أن من خبث معتقده ترى خبيثا، تراه خبيثا، وترى أصحاب المعتقدات الخبيثة عندهم خبث، عندهم عناد، وعندهم حقد. Donc il dit également, à pas avoir cité les vêtements ou l'accoutrement, il parle également de la croyance. Hein, que celui qui a une croyance conforme au kitab et à la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs, alors lui, il aura une bonne croyance. Mortakad tayyib, avec le mot tayyib, qui sera accepté. Quant à celui qui s'oppose à cela, il aura une croyance non conforme au kitab et à la sunna, n'étant pas basée sur la compréhension des salaf salih, hein, alors celui-là, sa croyance sera... on va pas dire fausse dans son intégralité, mais cela en mesure du nombre de contradictions qu'il aura. Car il se peut qu'il ait du vrai dans sa croyance et du faux. Hein? Mais celui qui n'a que du faux ou qui a une croyance qui contient du kufr ou du shirk, alors lui peut carrément sortir de l'islam. Il peut voir que la salat est obligatoire, il les accomplit. Il peut voir que le hajj est obligatoire, il accomplit. Il peut voir que la zakat est obligatoire, il accomplit. Il peut dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le messager d'Allah, et cependant, à côté de ça, il va invoquer des morts. Par exemple, et bien lui, tout cela, ses œuvres seront vaines et sera sorti de l'islam. Ou il égorge pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala en pensant que cela le rapproche d'Allah, comme un acte d'adoration. Cela rendra tout le reste de ses actes seront invalides et rendus nuls et effacés, cela sortira de l'islam. Et à moindre degré, certains auront des actes ne faisant pas sortir de l'islam, cependant faisant sortir de la sunna. Hein, des actes, des innovations sur lesquelles ils perdureront après que l'argument leur a été établi. Ils perduront dessus, ces actes le feront sortir de la sunna, et ainsi de suite. Chacun en mesure de son erreur, son degré de fausseté. Il dit également, et tu vois que celui hein, qui a une mauvaise croyance, eh ben, tu verras lui-même comme étant une mauvaise personne. Il sera une mauvaise personne. Hein? Tu vois que ceux qui ont de mauvaises croyances ont des mauvais actes, des mauvaises choses en eux. Et ils ont également de l'hostilisation, et ils ont du mépris. Ben, regardez, à titre d'exemple, hein, celui qui a débarqué tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, qui a commencé à faire ce qu'il a fait en mettant des audios parlant contre des medj. Est-ce que celui-là, d'après vous, a un bon menhej, a une bonne croyance? S'il avait une bonne croyance, hein, il se rappellera du hadith que nous avons pris, le hadith de Jibril, qui concerne l'ihsan, l'excellence, la bienfaisance qui est Antaboudallah ka'anaka tarahu, fannam takun tarahu fannu yarak. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui défend Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, qui veut élever sa parole, hein, et élever la sunna au-dessus de la bid'a, va agir de la sorte, sachant que Allah le voit? Ou tout simplement, s'il a une chose à dire, il veut faire un inkar munkar blâmé blâmable, eh bien il vient avec une réplique scientifique avec des preuves. Eh bien ce genre d'agissement-là, ce genre de comportement, ça c'est comme l'exemple de ceux qui étaient à l'école avant, qui étaient derrière, hein, et pendant que les autres travaillaient, eh bien lui il fait le boxon comme on dit. Hein, car il ne supporte pas de voir les gens avancer. Ils n'aiment pas voir les gens avancer, ils sont jaloux. Donc de là, ils disent, si moi j'avance pas, eh ben personne n'avancera et je ferai mon bazar. À l'exemple de ces personnes-là. Et ils ont du mépris pour leurs frères, hein, et ils sont obstinés. Hein, ils persistent sur le faux sur lequel ils sont. Ensuite, on poursuit. قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ تَيِّبٌ لَا يَقْبِلُ لَتَيِّبًا. Que certes, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. حَتَى إِذَا بَنَى مَسْجِدًا وَحَفَرَ بِئْرًا وَعَمَلَ بَعْضَ مَسَائِلِ الْخَيْرِ وعمل بعض مسائل الخير وكان من مال حرام ليس له فيه أجر ونحن نرى أن المال الربوي الذي هو من أرباح الربا لا يؤخذ كيف هذا؟ لأنه لو أخذه مثلا وبنى به مسجدا ما له فيه أجر وإذا أخذه على أن يجعله في بعض مصالح الناس ما له فيه أجر وإن أكله بعض المحتاجين وإن أكله بعض المحتاجين صار مؤكله ملعونا لحديث لعن الله آكله أو آكله وموكله والسلامة ترك ذلك قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فأخذ ما يسمونه بالفوائد الربوية أخذ للأموال الناس وهذا الظلم. Donc là, Chir, maintenant, il fait allusion à quoi? Hein, que certes Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Là, il va faire allusion au bien, à l'argent, d'où il est tiré, d'où il provient. Donc il dit, par exemple, si une personne venait à construire un masjid, une mosquée, ou à creuser des puits d'eau, hein, ou à faire d'autres actions de bien, et que l'argent sur lequel il se base est un argent haram, illicite, hein, pris de façon illicite, alors lui n'aura aucune récompense. Alors par exemple, celui qui a fait cela basé d'argent pris de riba, d'usure, hein, qu'il a pris de ce qu'on appelle les intérêts, comme eux ils disent, hein. Mais avant ça, le chir dit que le fait de récupérer les intérêts, comme eux ils appellent ça, l'argent de riba dans les banques ou autres, que cet argent-là, il ne faut pas le prendre. Chir dit, il ne faut pas le prendre cet argent-là. Si demain, par exemple, tu as un compte en banque, tu le fermes, ou tu avais un projet financier dans lequel on t'a donné de l'argent de riba sans que toi tu ne l'aies voulu, cet argent-là, tu ne le prends pas, tu le laisses. Tu ne prends pas, tu le laisses. Et si vraiment il arrive à ce que, par exemple, des fois c'est déjà arrivé que des frères refusent de le prendre et que l'organisme qui aura fait fructifier cet argent, lui, dit nous aussi on ne le veut pas, c'est ton argent, c'est ton droit, alors qu'ils le prennent et après ils le versent dans des intérêts généraux pour la communauté. Des choses générales, hein, des choses générales, pas des individus et pas non plus dans les choses personnelles. Que les choses générales, comme par exemple, sur le savon, ils disent dans les toilettes, par exemple, des masajides, il achète des produits de nettoyage pour les toilettes, par exemple, ou il aide à des endroits où il y a des égouts, des choses comme ça, ou à réparer des lieux de passage, et ainsi de suite. Hein. Mais que cela ne revienne pas à des consommations personnelles comme de la nourriture, des vêtements, ainsi de suite. Donc, comme le dit le Chir, cet argent ne doit pas être donné aux pauvres, aux nécessiteux ainsi qu'aux indigents, aux gens dans le besoin. Pourquoi ? Car celui qui agirait de la sorte se rendrait coupable d'un péché du fait qu'il serait mangé, consommé à des gens de l'argent du riba. Hein ? Et serait sous la menace de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prouve le hadith, qui dit qu'Allah a maudit celui qui en consomme, c'est-à-dire du riba, celui qui en fait consommer. Et également dans la suite du hadith, il y a également Allah, il maudit les deux témoins de l'acte de commerce contenant du riba, ou du scribe, celui qui le note, celui qui l'inscrit. Et la sérénité est meilleure que cela, c'est-à-dire, il vaut mieux tout délaisser. Cet argent-là, si tu peux ne pas le prendre, ne le prends pas. Laisse-le. Il n'y a rien. Et Allah, dans le sens, il dit, et si vous vous repentez, alors vous aurez les capitaux de vos biens. Vous ne laisserez personne, et vous ne serez pas lésés. Donc, prendre ce qu'ils appellent, eux, comme étant les intérêts, hein, de l'argent d'usure, cela est une prise d'argent des biens, est une prise des biens des gens basée sur le faux. Bilbaatil. La yastafidu minhu fi akhirati abada. Sawa'un kana al-mal min riba aw min jamarik aw min rishwa. Law anfaqahu fi wujuh al-khayr ma yujar alayh. Donc il dit il ne profite en rien de cet argent. Cet argent illicite ne lui apporte aucun profit dans son au-delà. Qu'il s'agisse de l'argent du riba ou de l'argent pris des douanes, c'est-à-dire un salaire, c'est un douanier ou ce genre de choses, au prix de pots de vin, et qu'il s'y dépensait cet argent-là sur des choses de bienfaisance, qu'il n'en tirerait aucune récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِي وَمَعْلُوفُ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ أَنَّ الْأَمْوَالِ مُحَرَّمَةَ مَا فِيهَا زَكَاهُ وَاحِدْ يَقُولْ عِنْدِي مِلْيُونَ رِيَالِ زَكَاةُ خَمْرِ وَعِنْدِي مِلْيُونَ رِيَالِ مِنَ الرِّبَا أَوْ مِنْ بِيَعِ الدُّخَانِ أَوْ مِنَ الْقَاتِ أَوْ مِنَ الشَّمَّةِ مَا فِيهِ زَكَاهُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ لِلطَّيِّبَةِ وَالزَّكَاةُ النِّمَةُ وَالطُّهْرُ فَكَيْفَ تُنَمِّي أَوْ تُطَهِّرُ شَيْئًا مُحَرَّمًا. Donc il dit que cet argent pris d'illicite ne lui sera d'aucun profit, qu'il s'agisse d'argent de riba ou d'argent des douanes, comme nous l'avons dit, que s'il dépensait cet argent dans les choses de bien, il n'en tirait aucune récompense. Et ce qui est connu de cette preuve, c'est que l'argent illicite, il n'y a aucune zakat à en tirer. Il n'y a aucun acquittement de zakat à en sortir. Si par exemple une personne disait, moi j'ai 1 million de rial de zakat pris de l'argent de l'alcool. Ou il dit, j'ai 1 million de rial pris de l'argent de riba. Ou un autre qui dit, de la vente de cigarettes. Ou du cote. Le cote, c'est, nous avions dit, c'est là, cette herbe, c'est une drogue, c'est cette herbe qui se mâche ici au Yémen ou en Somalie et dans d'autres pays comme ça. C'est une drogue. C'est une forme d'enivrant. Et un chemma, c'est une chose, je sais plus, ou une chose qui se mâche, j'ai oublié. C'est une drogue, apparemment, qui se vend au Yémen. ma fi zaka. Car certes, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon, hein, et saint et pur. Et la zakat, c'est une purification, une chose qui fait prospérer et fructifier des biens, dans le bien. Donc comment pourrais-tu faire prospérer ou faire fructifier une chose qui est illicite à la base? Et également, un masjid qui a été bâti sur de l'argent illicite, la salat qui est accomplie est valide. D'accord? Elle est valide. Cependant, celui qui aura construit ce masjid n'en tirera aucune récompense. Et également, celui qui dépense pour sa famille de cet argent, il n'en tirera aucune récompense. لأن الإنسان ينفق على أهله والنفقة عليهم واجبة ويؤجر على ذلك الواجب ولكن هذا ما يؤجر عليه بل يأثم عليه لحديث ما من عبد يسترعي الله رعيته لم يحطها أو يحطها بنصعه إلا لم يجد رائحة الجنة ولقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وحديث أي جسم نبت من سحت النار أولى به ثبت من حديث جابر بن عبد الله بنحوه عن كعب ابن عجرة كلاهما في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله تعالى. Donc il dit également celui qui dépenserait de cet argent pour sa famille, hein, que il n'en tirerait aucune récompense. Car il est obligatoire pour l'homme qui dépense pour sa famille, cela est une obligation qui lui incombe, et qu'il en tire une récompense de cet acte, car il s'agit d'une adoration. Cependant, celui qui dépensait pour sa famille d'argent illicite, il n'en prendrait aucune récompense. Nous disons même plutôt qu'il en prendrait des péchés. Comme le prouve le hadith, qui dit que Allah n'a pas confié une charge à une personne sans qu'il ne lui prodigue le conseil, hein, sans qu'il ne soit privé de l'odeur du paradis. Et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu ardent dont le combustible sera les gens ainsi que des pierres. Et ainsi que le hadith, donc il n'est aucun corps, aucune substance, aucun produit provenant de choses illicites sans que le feu en soit prioritaire, c'est-à-dire de le consommer, que cela finira au feu. Hein, que cela finira au feu. Comme cela est venu du hadith de Jabir ibn Abdillah et également dans le sens selon Ka'b ibn Ajara. Et les deux hadiths sont dans le Sahih al-Musnad de Shah Mugbir, rahimahullah ta'ala. Ibn Rajab rapporte lui à propos de ce point quelques paroles de Salaf, comme celle d'Ibn Abbas, qui dit: سئل ابن عباس عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه فقال إن الخبيث لا يكفر الخبيث. Donc Ibn Abbas a été interrogé à propos d'une personne qui était injuste envers les autres, qui leur prenait leur argent injustement, ensuite qui se repentit et voulut accomplir le hajj et libérer un esclave et ainsi que faire des aumônes avec cet argent qu'il a pris injustement. Donc Ibn Abbas a dit: certes, le mauvais n'expie pas ou n'efface pas le mauvais. Hein, on n'efface pas le mauvais avec le mauvais. C'est-à-dire cet argent illicite n'efface pas le mal qu'il a fait auparavant. Wa kadha qala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu: inna al-khabitha la yukaffiru al-khabith. Inna al-khabitha la yukaffiru al-khabith. Walakin at-tayyib yukaffiru al-khabith. Ibn Mas'ud également, il a dit que le mauvais, hein, n'expie pas, n'efface pas le mauvais. Cependant, le bon, lui, expie et efface le mauvais. Hein, expie et efface le mauvais. Wa qala al-Hassan, rahimahullah, ayyuhal mutasaddiqu ala miskin yarhamuhu. Irham man qad zalamta. Ibn al-Hassan, il dit quoi? Ô toi qui fais une aumône sur le pauvre envers qui tu fais preuve de miséricorde, fais preuve de miséricorde envers ceux ou envers celui avec qui tu étais injuste. C'est-à-dire en premier lieu, Si tu as commis une injustice, alors il faut que tu en expies le mal. Il faut que tu en expies la faute. Avant de commencer par faire des choses surérogatoires. Car cela ne sera pas accepté par cet argent, c'est-à-dire par ces moyens illicites, cet argent illicite. Et c'est pour cela, mes frères, que, également, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى التَّقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Et dans le sens où il dit, qui est meilleur? Celui qui aura bâti son édifice sur la crainte d'Allah ainsi que son agrément, ou bien celui qui aura bâti son édifice sur une falaise, au bord d'une falaise croulante et s'écoulera avec elle dans le feu de l'enfer. Et Allah certes ne guide pas les gens injustes. Cela vous démontre quoi? Que les actions qui sont basées sur du mal depuis leur début, depuis leur base, sont vouées au rejet, sont vouées à l'échec. Elles sont vouées à l'échec. Elles ne sont pas acceptées. De là, l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit, entre autres, dans ce verset-là, وَمِنْهَا أَنَّ الْعَمَلَ الْمَبْنِي عَلَى الْإِخْرَاسُ وَالْمُتَابَعَةِ هُوَ الْعَمَلُ الْمُوَسَّسُ عَلَى التَّقْوَى وَالْمُوَسِّرُ لِعَامِلِهِ لِلْجَنَّةِ النَّعِيمِ وَالْعَمَلُ الْمَبْنِي عَلَى سُوءِ قَصْدٍ وَلَا بِدَعٍ وَالضَّلَالِ وَالْعَمَلُ الْمُوَسَّسُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Donc il dit dans le sens que les œuvres qui sont bâties sur la sincérité et le suivi sont celles qui sont qualifiées comme étant bâties sur la crainte et l'agrément d'Allah. Et qui mènent celui qu'ils auront accompli vers les jardins de délices. Vers les jardins de délices, c'est-à-dire le paradis. Et également les œuvres qui sont bâties sur le licite. Il en va de soi. Et les œuvres bâti sur les mauvaises intentions ou sur les innovations ou les égarements, ceux-là sont les œuvres qui sont bâties sur le bord d'une falaise croulante qui fera écrouler dans le feu de l'enfer. Dont celui qui les aura bâties s'écroulera avec elle dans le feu de l'enfer. Et certes, Allah ne guide pas les peuples injustes. Et également, il y va de soi pour les actes bâtis sur une base illicite, sur de l'argent illicite également. Celles-ci mèneront celui qui les aura accomplis vers le feu. Du fait qu'elles ne seront pas acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et seront considérées comme étant un péché. Wali'azu billah. Wa kadhalika as-salah. Donc là, le shir reprend. Shir Yahya, hafizallahu ta'ala, reprend en disant Wa kadhalika as-salatu, law salla wa lam yati biha ala ma thabata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa innaha la taslah wa ma ya tayyiba. Il en est de même pour la salat, que celui qui accomplit cette salat sans pour autant suivre les recommandations et qu'elle ne soit pas conforme à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors celle-ci ne convient pas, elle n'est pas bonne. Celle-ci n'est pas bonne. Wala usalla ala ghayri wudu, aw usalla wa lam yuhsin khushu'aha wala ruku'aha, wa qad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li dhalika as-sahabi salli fa innaka lam tusalli. Et également, par exemple, s'il accomplissait cette salat sans le wudu, sans les ablutions, aucune ne parachève pas comme il faut l'humilité, la concentration et l'inclinaison également, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce compagnon lorsqu'il lui dit « Refais la salat, car ça tu ne l'as pas accompli. » Car celui-ci faisait mal à salat et ne respectait pas les piliers comme se doit. Et plusieurs fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Recommence, car tu n'as pas accompli. » Et lui lui dit « Je ne sais l'accomplir si ce n'est de cette manière. » Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseignait la salat avec ses piliers et ses obligations. Cela démontre que celui qui n'accomplit pas selon l'enseignement prophétique, en respectant ses piliers, ses conditions et ses règles, celle-ci n'est pas valide, celle-ci n'est pas acceptée. وكذلك الحج ولو حج من مال حرام فإن جماعة من أهل العلم يقولون إنه لا يصح والذي يظهر أنه يجزئه عن حجة الإسلام ورأي الجيع كيوم ولدته أمه. وهكذا إذا أخرج الزكاة جبرا ولا يريد بذلك وجه الله عز وجل إنما أجبر أجزأته ولا يجر عليها. Donc il en est de même pour le hajj. que celui qui l'accomplit accomplit ce hajj à partir de d'argent illicite, un groupe de gens de science disent que ce hajj n'est pas valide et n'est pas accepté. Mais ce qui apparaît, en réalité, c'est que celui-ci sera valide, cependant, il n'en tirera pas de récompense. C'est-à-dire que après avoir fait ce hajj, il n'est plus obligatoire de l'accomplir. Hein, le hajj de l'islam, hajjatul islam, aura été fait. Cependant, celui-ci ne reviendra pas démuni de péché comme celui qui vient d'être enfanté par sa mère. C'est-à-dire un hajj pieux, obéissant, bien accompli. Et également, celui qui sort la zakat par contrainte, parce que l'on y force. Hein, on le force à sortir la zakat, donc il obéit sans pour autant rechercher par cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lui, on dirait que sa zakat est valide, il n'a pas à la redonner, cependant il n'en tirera pas de récompense. Il n'en tirera aucune récompense. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين et que certes Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné également aux envoyés. يدل هذا على أن التأسي على التأسي بالمرسلين. Cela prouve le suivi qu'il faut suivre les envoyés, qu'il faut marcher sur leurs traces. فكما أمر الله المرسلين بأكل من الطيبات بِالْأَكْلِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَكَذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَكْلِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Et tout comme Allah a ordonné aux envoyés de manger des bonnes choses, il en fut de même pour les croyants, ou à plus forte raison. وَأَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ نَجَّارًا وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ حَدَّادًا وَيَأْكُلُونَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمِنْ كَسْبِ أَيْدِيهِمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَمِنْ أَفْضَلِ الْمَكَاسِبِ مَكْسَبُ الْغَنِيمَةِ وَالْفِئِ كَمَا ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ ونقلناه بحمد الله في كتاب البيوع بأوسع من هذا لأنه مكسب رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وسلم القائل وجعل رزقي تحت ذل رمحي كما ثبت عنه من حديث ابن عمر. Donc parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi eux il y en a qui étaient menuisiers comme Zakaria مثلاً عليه السلام, et parmi eux qui étaient forgerons comme Daoud, alayhi salam. Et qu'ils mangeaient des bonnes choses du fruit de leurs mains. Des choses halal, bonnes. Et parmi les meilleures choses, ou les meilleures choses dont on peut tirer un salaire, il y a le butin de guerre, lors du jihad. Comme l'ont cité les gens de science, et nous avons rapporté cela par la grâce d'Allah, ou par la longe d'Allah, dans le livre Al-Buyur, de façon plus développée. Car ce salaire et celui tiré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-même qui disait « Ma subsistance m'a été octroyée, m'a été pourvoyée sous l'ombre de ma lance. » C'est-à-dire par le combat. Par le combat et le butin de guerre. Comme cela fut affirmé dans le hadith d'Ibn Umar. « Qawluhu thumma zakara ar-rajul yutil as-safar » Ensuite, il cite en exemple l'homme qui entreprend un long voyage. Dans le hadith. وأنت تعلم أن السفر لطاعتي ولأمري مباح من أسباب الاستجابة. Et toi, tu sais que le voyage entrepris pour l'obéissance ou pour un ordre d'Allah, pour une obligation, fait parmi les causes d'exaucement des invocations. Fait parmi des causes, cela est une cause que les invocations se voient exaucées. قَوْلُهُ أَشْعَفَ أَعْبَرَ C'est-à-dire les cheveux ébouriffés et empoussiérés. Dans le hadith. وَكَذَا المنكسر في طاعة الله والذي هو من أصحاب التواضع يطيل السفر معناه يطيل السفر في طاعة الله. Donc tel est celui qui se rabaisse et se plie dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie des gens de l'humilité. Il entreprend un long voyage. Il entreprend un long voyage. Un voyage d'obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. قوله يرفع يديه إلى السماء qu'il lève ses mains aux cieux, ou plutôt au ciel, dans le hadith. هذا من أسباب استجابة الدعاء لحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. Donc cela est parmi également les causes que le dua, l'invocation se voit exaucée, comme le prouve le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala est gêné de son serviteur lorsque celui-ci lève ses mains pour lui demander de ne pas lui répondre. Allah se voit gêné de ne pas lui répondre. وقوله يا رب يا رب هذا et sa parole dans le hadith ô Seigneur, ô Seigneur, on peut également pourrait dire ô mon Seigneur, mon Seigneur. أعداء لحلح في الدعاء ويدعو الله بربوبيته بصفات من صفاته وهو من أسباب استجابة الدعاء. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن هناك مانع لهذا الدعاء وهو عدم طيب المطعم والمشرب والملبس. Donc il dit cela, lorsqu'il dit au Seigneur, cela est une persistance et une insistance dans la vocation. Hein? Qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala par sa seigneurie, Seigneur, qui est un attribut parmi ses attributs, et qui est une cause pour exaucer les invocations. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, et à Allah certes appartiennent les plus beaux noms, alors appelez-le avec, invoquez-le avec, avec ses prénoms. Ce verset démontre qu'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms, par ses beaux prénoms, ainsi que ses attributs, sont une cause de voir les invocations exaucées. Naam. ولكن هناك مانع لهذا الدعاء وهو عدم طيب المطعم والمشرب والملبس. Cependant là, il y a une chose qui fait obstruction à l'exaucement de l'invocation, que celle-ci n'est pas exaucée, que Allah ne répond pas. Et quelle est cette barrière, quel est cet empêchement? C'est cette mauvaise nutrition basée sur de l'illicite, ainsi que la boisson et le vêtement, l'habillement. Tout cela est basé sur de l'illicite, ce qui empêche hein, de voir la vocation exaucée. Que celle-ci n'est pas exaucée n'est pas prise en compte. Donc sa parole, comment sera-t-il exaucé à une telle personne, dans le sens, dans le hadith. ربما يكون عنده مرض بحاجة إلى تفريج كربه في حال في كل حال يكون بحاجة إلى أن يفتح الله على بالعلم في كل حال يكون بحاجة إلى أن يفتح الله عليه بالعلم ويكون محروما بسبب ذلك المطعم البطال فيحرم خير كثير بسبب سوء المطعم والمشرب وسوء الملبس ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc il dit, il se peut que cette personne, cet homme qui a entrepris ce voyage, soit atteint d'une maladie et qu'il soit en grand besoin que Allah l'en soulage. Hein? Allah le soulage de cette maladie et le guérisse. Quoi qu'il en soit, il est en besoin que Allah lui ouvre les portes par la science. Cependant, il s'en voit privé à cause de cette mauvaise nutrition basée sur de l'illicite. Hein? Donc il se voit privé d'un grand bien qui est l'exaucement des invocations. À cause de cette mauvaise nutrition, de cette mauvaise boisson et de ces mauvais habits. Donc le shir conclut en disant « Wala hawla wala quwwata illa billah ». Donc la sagesse principale tirée de ce hadith est que l'individu doit être vigilant quant à ce qu'il mange, ce qu'il boit et ce qu'il revête comme vêtements, que ceci provient de choses licites, sans quoi il verrait ses invocations refusées. Et on peut voir plus loin que cela que les actes basés sur de l'illicite ne sont pas acceptés. Les actes basés sur de l'illicite, que ce soit une sadaqa basée de l'argent haram, au prix injustement, ainsi de suite, que cela n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ce qui est une innovation, qui n'est pas basée sur l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est rejeté. Tout comme ce qui n'est pas basé sur la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, est rejeté. Donc que les personnes fassent attention, car il se peut qu'ils se voient multiplier le nombre de salawat, le nombre de siyam, le nombre d'aumônes, ainsi de suite, et pour cause de son salaire illicite, qu'il voit ses demandes rejetées, refusées. Car regardez, cet homme dans ce hadith a regroupé un grand nombre de causes hein, qui amènent à ce que les du'as soient exaucés. Comme le voyage. Être en voyage est une cause d'exaucement des invocations. Également, qu'il soit rabaissé, humilié, avec les cheveux ébouriffés et empoussiérés. Également, qu'il lève ses mains au ciel, hein, car le fait de lever les mains, comme le hadith cité dans l'explication, démontre que cela est une cause que Allah exauce ses invocations. Et également, qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ses attributs et ses noms, ya Rabb, par la seigneurie. Et cela est une cause également que les invocations se voient accordées, exaucées. Et cependant, cet homme, tout lui est refusé pour cause de quoi? De sa nutrition, de sa boisson, de ses habits qui sont basés sur de l'illicite. Fanas'alallah al-afiyah. À nous de faire attention de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on revêt, afin de rentrer dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nos invocations se voient exaucées. Fabi hadanak tafi, wa nakul walhamdulillahi rabbil alameen.